bombe attaque. À toutes les tours 20 de France. J'ai pas payé le loyer depuis février, mais bon, j'aurais plus de chance en mars, sincèrement. Les gens râlent, car c'est rare que l'ascenseur marche dans le temps. J'ai pissé dedans, ok, j'admets. Mais t'as pu au 16, il s'arrête au 15 et demi. Gardien, c'est quoi ce délire? Eh, regarde bien, ta fiche de paye, je la tiens dans les mains, c'est quoi je te vire? Y'a des gens qui jetaient les télés par la fenêtre, faut être fêlé, certes. Mais tel était le délire, mec, tu connais le train-train. Très peu d'étreintes, ça craint. Dans les familles, les beaux-pères picolent, les gars m'attrinquent. Celle du 10 ressemble à Liste et l'or, une vieille qui trompe son mari avec. Bref, la liste longue, dès lors, je me fous de l'heure, vite, foutre de l'heure, vite tout court, la nuit se fout des coups, oui, se fout de l'heure, regarde, y'a une bagarre, y'a que toi qui sépare, dans la tour, t'as même fait trop, y'a que toi qui sépare, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où là, s'en sort plus, écoute bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où on s'en sort plus, écoute bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où y'a des gens chiens qui touchent rien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où y'a plein d'histoires, écoute bien, regarde, là où je vis. Ok, c'est pas Auschwitz, mais c'est Auschwitz. Faut que je trouve autre chose, fils. Façon, je vais me casser, c'est ce qu'a dit l'huissier. Oui, chier, il peut pas me virer en hiver, mais dis-lui ça. Il sait, pointé ici, fils ça. Pour le torturer, j'ai pissé dans l'escalier pensant que l'odeur tuerait, qui sait. Et puis ça lui a mis la puce à l'oreille. Tant qu'ils t'ont pas pris ce que tu n'as pas, ils ne dorment pas tranquille. Ils m'ont coupé le chauffage et le téléphone. Tu circoncis, sinon ils essaieraient de me la couper. Comme si les droits de l'homme, c'est payer des sommes folles. Ils ont la rage, les quinfons, les alopes, et pas qu'une seule femme. Un petit me dit, t'inquiète. On s'en sort sans prof, mec, on aura le bac dès que l'ascenseur sera propre. Brahim me dit, y'a pas d'école, y'a light. Et là, il me dit, wallah, là où on vit, c'est bonne life. Je demande son âge, il ment, il me dit 16 ans. Eh, mais ce morceau, si on demande où vivent ces gens, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où y'a plein de rinois. Écoute bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où y'a plein de rapsa. Écoute ça, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où y'a des gens en chien. Écoute bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là. Où y'a plein d'histoires, écoute bien. La dame du 2, élève toute seule, son gamin charif. Le daron a fait le coup de, je descends au tabac, j'arrive. Et en dessous, t'as la blonde, qu'à l'accent du sud. Elle aime sang, c'est sûr, je vais faire fil, je lui descends du sucre. Chaque jour, elle écoute à fond, sim, sima. Elle me dit qu'elle aime la tour, on verra d'ici 6 mois. Y'a rien à faire, crois-moi, je viens l'enfer. Croix de bois, croix de fer, frère, et si je mange, je fais un enfer. J'ai pas de sous, mais je laisse qu'un moyen de faire. Je passe une pièce à bas coût, il me rappelle moi petit, mais avec moins de frères. Le gardien se fout de nous, nous rouspétons, il aime pas les petits noirs, mais il a rien contre un petit rouge, ce con. La tour 20, c'est mon coin. Des gens bien qui pleurent et des fois se marrent. Pourquoi pas faire un saut mort? Etienne, Madja, ta mère, Manja, c'est l'Afrique chez nous. Le problème, j'ai appris, c'était nous. Parqué dans la tour 20, c'est chelou, c'est crade, bordel, et bordel, c'est chez nous. C'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là où y'a les légionnaires. Écoute bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là où ce texte est né. Tu doutes bien, c'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là où la bière d'en bas écoule bien. C'est là, tour 20, c'est là, 9-3, viens, c'est là où y'a des gens en chien. Bosnie, rien, c'est là, tour 20, c'est là, oh les lois, c'est là où l'ascenseur, la Mendoza, c'est là tous les acteurs, c'est là de cette souffrance, c'est là, la fierté, notre seule richesse, c'est là, tour 20, vas-y, c'est là, dans ma misère, tour 20, volume toujours à 10, DJ, pensez, quand tu joueras le disque, y'a quoi même, y'a quoi même.